Radio Without Boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Eh bien, bonjour tout le monde. Salut Romain, salut Adrien. Salut Adrien, salut Freddy. Comment ça va? Eh bien, ma foi, ça va bien. Ouais. Ça va très, très bien. Non, ouais. Ça va, rien de vraiment nouveau. Nothing really new. Well, then, that's good. Yeah. I got a show ready celebrating first the recording of l'appel du 18 juin. Mm-hmm. So the call of June 18th that was recorded a little bit later by Charles de Gaulle. Well, the call was on the 18th, but it has never been recorded that day. So, yeah, it was recorded later, still by Charles de Gaulle. It's just like a minute and a half, but it's interesting to hear what he had to say at the time, you know, like resist, keep fighting. Yes, we should mention this is during World War II. Yes. At the end of the Battle for France, when 40,000 French troops fought against the Nazi invasion and delayed some of the progression, but lost that battle. And then that started a chain of events that led to the capitulation of the French government. Mm-hmm. Yeah. At the time, I know that a lot of the Parisians were fleeing down south. Mm-hmm. It was l'exode. Yes. Oh, yeah. They were trying to like reach the south and some families in the country. My grandmother was the exodus. Mm. Really? And my dad actually followed the call of the 18th of June. Mm-hmm. And that's when he actually became part of the resistance. It's important to mention that the French resistance is really, I don't think it's that well known in the US, unfortunately. It helped a lot to free Europe due to messing with the communications of the Nazis, whether it was train or telephone communication. They really participated a lot in helping set up for the troops to progress in French territory and beyond. Yeah, during the D-Day, I know that there was communication and they did a lot of sabotage on the trains to prevent the German troops to go north, you know, the reinforcements. So I know there was a lot of participation, but every time there was a sabotage or things like that, there were retaliations. And, you know, in every little town, especially where I'm from, in Bayeux-Orléans, there are very thick woods. Mm-hmm. And that's very easy, especially when you're from that region, you know, to hide. Yeah, right. And in my town, there was a group of young men who were part of a resistance network, and there were like 12 of them. And my mom's aunt, but she was married before she met my mom's uncle, and her husband and her brother were part of that group in my village. And every other day she would go, she knew where they were, give them food. And, you know, and one day she was riding back after just seeing her husband, her brother, and a few other members of that group. And she heard gunshots. And the Nazis some were stationed in the castle in my town, heard about that group. They knew where they were and they killed them all, including three English paratroopers. Mm-hmm. And it was in 44. And every year on August 13th, in the woods, exactly where that happened, and you have to park quite a ways, and you have to walk to that clearing in the woods. Mm-hmm. They have a memorial ceremony in the woods. They play the American anthem. They play, of course, La Marseillaise. They play Le Chant des Partisans in the British and the Canadian anthems. Okay. And thanks for sharing that. Yeah, so that's still very, you know, present. Yeah, it is. Well, what people might not know also is that after a while, Germany was forcing youngsters at a certain age to go to the STO, or STO, mm-hmm. the obligatory work, or mandatory work, mm-hmm. and they were being sent to Germany. So that was providing a wave of new resistance who didn't want to go to work in Germany for the Germans for free. And so they were hiding in the woods. Like one of my uncle, great uncle, was in Corrèze in Le Maquis. Oh, yeah. Mm-hmm. They were hiding in the woods for years before they got liberated. Mm-hmm. So, yeah, I mean, there was a lot of that. And that's what that's one of the things that my dad was doing, was to help those youngsters who mm-hmm. did not want to join, you know, the German, and also the German army, because my dad was from Lorraine. And oh, yeah. Had, you know, so Germany wanted the youngsters from Lorraine to actually join the German army. And my dad, mm-hmm. with his group, they were helping some of them to, you know, cross the border and not join the army. And then someone captured one of my dad's friends who gave away the names of his group. And that's when the Gestapo arrested my dad and sent him to camp for almost 3 years. Mm-hmm. So that was in 1942. Yeah, that was the beginning. Yeah. Mm-hmm. And that's when Klaus Barbie was the head of the Gestapo in Lyon, etc. The Boucher de Lyon. His nickname was the Butcher of Lyon. Right. And he was caught by a French couple that is Jewish, and there were investigators, and mm-hmm. there were Nazi hunters. And they still are. And this, oh. The Klarsfeld? Yeah. Serge and Beate Klarsfeld, they're still alive and still active. They? Oh, okay. Mm-hmm. I did not know that. I did not know they were still alive. Oh, yes. Yeah. Oh, wow. What did they find him? Do you guys know? They caught him in Bolivia, I believe. Mm-hmm. Okay. And right. I just wanted to share like a quick, another quick thing, since we're on World War II and the theme is Appel du 18 Juin. I want to say in France, if you, for our listeners, if you want to watch movies in France, the most famous movie about World War II is a comedy. It's called Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ah, I was thinking of La Grande Vadrouille. That's another one too. So that must be like number two, La Grande Vadrouille. But number one I've seen recently, even this year, during confinement for COVID-19, that was millions and millions of French people are in front of the TV and to watch that movie. I think they showed the three, well, I was going to say episodes, but no, they were the sequels. Actually three movies, yes. Mm-hmm. And yeah. I think they showed one on a Thursday, and the following Thursday it was number two, and number three the following Gotcha. Week. Yeah. Maybe we'll post something on our Facebook page, a short video about this movie. So yes. I think we should find it easily. Yeah. To me, the best movie for the resistance is The Army of the Shadow. Melville. Well, Melville was in the resistance himself. Mm-hmm. So, I think that's one of the best ones. But it's pretty dark, and it's the beginning of the resistance, too. I mean, like, it's 1942, where the Germans were very active into chasing resistance, and that was before a lot of people joined, too. Mm-hmm. I mean, there was an influx after. Yeah. All right. Then after that, the theme is going to be about Father's Day. So La Fête des Pères. And Father's Day in France and in the U.S. is at the same time. Same time this year. Yeah. Yes. Well, no, it's every year. Every year. Every year is the same date for Father's Day. All right. All right. Should we listen to the music? Yes. C'est parti, mon kiki. All right. On y va. On y va. First, we're going to listen to the General Charles de Gaulle, L'appel de la résistance du 18 juin 1940. He did a call on June 18th, 1940, which was, in fact, recorded a little bit later than the 18th, but it did the call itself on the 18th. Calling French people to resist, to keep fighting. So he did the call from London, and that is from where the Free French Army could keep the fight. So it's short, but it's very important in France's history. And then after that, we're going to listen to Leonard Cohen with The Partisan, and it's a live version in Helsinki from 2008. Then after that, we're going to celebrate the Fathers. La défaite française a été causée par la force mécanique aérienne

the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. Now the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from these shadows. It was Le Général de Gaulle with L'Appel à la Résistance du 18 juin 1940, then Leonard Cohen with The Partisan. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org. Or on Facebook. Merci beaucoup. It's time for the KFAI Problem Solver. We want to make your life just a little bit happier, and we never charge a fee. A listener writes, "Dear KFAI, I've heard lots of folks say that you are weird and they like it that way. I think I hear this 100 times a day, which is why I am now ready to say, I like KFAI this way. Does that mean I'm weird? Is that bad to say? Do I need to see a therapist today? Signed, I'm worried." Dear worried, no, you don't need to see a reputable therapist. It's best that you turn to me instead. There's nothing wrong with being weird, but if it causes concern, let's try a therapy called word substitution. Instead of saying KFAI is weird, consider a different word, like eclectic or unique or unlike any other. This way, you can proudly say, "I like KFAI," and that means I'm eclectic, or I'm unique, or I'm unlike any other. Does this help? I do hope this makes you feel better. If you have a question for the KFAI Problem Solver, just send a postcard to me, your radio friend, at KFAI Minneapolis. For now, goodbye. Now celebrating the Papa, we're going to start with Vincent Malone, avec Le Roi des Papas, the King of Papas. Then Les Zut with Mon Papa. And this song is talking about the fact that maybe his dad is not the most handy dad, so there's lots of things that he doesn't know how to do, but is quite other things he knows too. And Chimène Badi with Un Père, a father. Le papa du lion, il a une crinière. Le papa de la taupe, une taupinière. Le papa de l'araignée, un fil dans le derrière. Mais toi, mon papa, t'es bien mieux que tout ça, que tout le ça. Le papa du rôti rôti sur la cuisinière. Le papa du tapis est tout plein de poussière. Le papa de l'ampoule brille, il fait de la lumière. Mais toi mon papa, t'es bien mieux que tout ça, que tout ça. C'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, des papas comme toi, y'en a pas plein sur la planète. Oui, c'est bien toi mon papa, le roi des papas. Pleure pas, gros bêta de papa. C'est aujourd'hui ta fête. Le papa du café est dans la cafetière. Le papa du tabac est dans la tabatière. Le papa de mon crayon est chez la papapetière. Mais toi mon papa, t'es toujours avec moi, avec le moi. Papa du martien voyage dans une soupière. Le papa des morts vivants, il peut vivre sous terre. Le papa de Superman sauve tout l'univers. Oui peut-être.

jamais manqué de rien. Oui, je l'aime autant que maman. Je resterai toujours son enfant. Mon exemple daron, le chef, le vrai patron. Sans lui, je tourne en rond. Des fusils, des usines, sa maman, ma grand-mère le gronde. Et va, tu fuis

ce sera lui. Et tous les deux se taisent que le matin finisse, mais le fils a grandi. Ce n'est qu'une chanson, ne la croyez pas triste. Da-da-da-da-da-da, on se promène ainsi. On croit que l'on avance, on sait que l'on existe. Da-da-da-da-da-da, avec des faits d'ici. Da-da-da-da-da-da, avec des faits d'ici. It was Francis Cabrel with Cool Papa Cool, Claudio Capeo with Rich, and Julien Clerc with Le Père dit à son fils. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Now we're going to listen to two songs from Frédéric François. The first one is L'enfant qui vient d'ailleurs, The Kid Who's Coming From Elsewhere, and another one from Frédéric François called Les Papas du Dimanche, Sunday's Dads, and he talks about the dads who are having their kids just on weekends, or kind of half the time. And then Jean-Luc Lahaye with Papa Chanteur, Daddy Singer. Jean-Luc Lahaye was growing up without parents. He was in foster care, in the care of the state. So this song was really important for him. Je ne ferai pas les 100 pas en attendant son arrivée. Une cigarette brûle en mes doigts au seuil de la maternité. C'est dans le ventre d'un avion qu'il arrivera jusqu'à nous. Je ne sais de lui qu'un prénom. Et pourtant j'en suis déjà fou. C'est un enfant qui vient d'ailleurs. D'ailleurs on ne sait pas d'où il vient. Je l'imagine contre mon cœur m'ouvrir les portes de demain. C'est un enfant qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, qu'importe d'où il vient. Une fois serré contre mon cœur, il sera pour toujours le mien. On va apprendre à se connaître, même à se prêter nos jouets. Ses petits doigts viendront peut-être sur mon piano se promener. Et tant pis pour la ressemblance, on n'est pas nés sous les mêmes cieux. Mais je veux comme une évidence qu'il se reconnaisse dans mes yeux. C'est un enfant qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas d'où il vient. Je l'imagine contre mon cœur m'ouvrir les portes de demain. C'est un C'est un enfant qui vient d'ailleurs. D'ailleurs, qu'importe d'où il vient. Je compte les jours et les jours. assez d'un comme je l'aime déjà. Et je m'effondrerai de bonheur lorsqu'il m'appellera papa. Sans en être prié, mais tout au fond de moi, c'est toi

without knowing it, because you can do so without you yourself having any symptoms. Be sure the mask completely covers your nose and your mouth. For more information about protecting yourself and others from COVID-19, listen to KFAI on Wednesdays at 6:30 p.m. for the special edition of Minnesota Native News, COVID-19 Community Conversations. Now we're going to talk about the events. The first one coming up is Wednesday, June 17th, between 5 and 6 p.m. It's online, of course. So it's the experiences from our community, a conversation on life in Minnesota as a person of color. As our community heals from the murder of George Floyd and subsequent unrest, Alliance Française will host this conversation with members of our community who have experienced discrimination. There's going to be multiple guests and it's going to be on Zoom, so you have to register if you want to get the Zoom link. As far as I can tell, there is no fee, and the discussion is going to be in English. Then we have a comeback of Online French Friday, or OFF. It's Friday, June 19th from 6:30 to 8 p.m. And it's the third one. The theme of the night is going to be La Mode Française. Join them for an evening of virtual entertainment. Connect with fellow Francophiles. I don't see a cost, but donation is suggested. And again, you have to register via Zoom, afmsp.org, and you go in the events. Another event is the Post Café Online on June 20th, it's Saturday, from 9:30 to 10:30. And it's a conversation group led by an Alliance Française instructors. There is a small fee for members and non-members, and it's not the same. And then, still Saturday, June 20th, between 2:30 and 3:30 p.m., there's a book club. Follow along with guidance during our free book during the free book club for foreign for beginner level French readers. It's lecture facile, and they are currently reading the Le Petit Nicolas, de Saint-Pé and Goscinny. Le Petit Nicolas is available online at no cost, and they say you can start reading the chapter 16, Le Petit Nicolas, here, and there's a link to it. If you want more info, you can sign up. You can send an email at culture, C-U-L-T-U-R-E, at afmsp.org. And there's a link to register at afmsp.org. Et voilà, back to the music. Now we're going to listen to Joe Dassin avec Le Chemin de Papa, Papa's Path, Daniel Guichard avec Mon Vieux, My Old Man, and Johnny Hallyday with À Propos de Mon Père. While talking about my dad, and it's also another song where he hasn't known his dad. Il était un peu poète et un peu vagabond. Il n'avait jamais connu ni patrie ni patron. Il venait de n'importe où aller aux quatre vents. Mais dedans sa voulotte, nous étions 10 enfants. Et le soir, autour d'un feu de camp, on rêvait maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin papa, c'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin ton chemin papa, tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le petit jour, la famille reprenait son voyage au long cours. À peine le temps pour notre mère de laver sa chemise. Et le voilà reparti pour une nouvelle terre promise. Et le soir, autour d'un feu de camp, elle rêvait d'une maison blanche en chantant qu'il est long, qu'il est loin ton chemin papa, c'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin ton chemin papa, tu devrais t'arrêter dans ce coin. Les saisons, c'est ainsi que regardant par-dessus l'horizon, sans même s'en apercevoir, notre père nous a semés aux quatre coins du monde comme des grains de blé. Et quelque part au bout de l'univers roule encore la vieille roulotte de mon père. Il est long, il est loin ton chemin papa, c'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton papa, tu devrais t'arrêter dans ce coin.

J'aimerais vous chanter une chanson que je dédie en hommage à mon papa. Merci. C'est ma fierté. Il m'a légué son caractère. En moi sa force enracinée, sa volonté sont mes repères. De courage il lui a fallu. Il a d'abord connu l'exil pour que l'espoir prenne le dessus. Il a fondé une vraie famille. Cet homme-là, c'était mon père. Mineur de fond de son métier, il a souvent connu l'enfer. Oui, mais il a toujours chanté. Il nous parlait des jours meilleurs. Et quand parfois il en doutait, il y avait des larmes dans son cœur. Mais je ne l'ai jamais vu pleurer. Il m'a appris la différence qu'on pouvait faire même à l'école, entre le doute et la confiance, entre une promesse et une parole. Cet homme-là, c'était mon père. Mineur de fond de son métier, il a souvent connu l'enfer. Oui, mais il a toujours chanté. Il nous parle des jours meilleurs. Et quand parfois il en doutait, il y avait des larmes dans son cœur. Mais je ne l'ai jamais vu pleurer. Cet homme-là, c'était mon père. Il m'a toujours encouragé à faire ce que je rêvais de faire. C'est grâce à lui si j'ai osé. Cet homme-là, c'était mon père. Il est déjà dans les étoiles. Mon Dieu là-haut, mon Dieu, j'espère qu'il chante encore, qu'il n'a plus mal. Car aussi vrai que j'en suis fier, cet homme-là, c'était ma paix. Cette blessure où meurt la mer comme un chagrin de chair, où va la vie germer dans le désert, qui fait de sang la blancheur des berceaux, qui se referme au marbre du tombeau. Cette blessure d'où je viens, cette blessure où va ma lèvre à l'aube de l'amour, où bat ta fièvre un peu comme un tambour, pars ta vigne en y pressant des doigts. D'où vient le cri le même chaque fois? Cette blessure, d'où tu viens? Cette blessure qui se referme à l'orée de l'ennui, comme une cicatrice de la nuit, et qui n'en finit pas de se rouvrir sous des larmes qu'affirme le désir. Cette blessure, comme un soleil sur la mélancolie, comme un jardin qu'on n'ouvre que la nuit, comme un parfum qui traîne à la marée, comme un sourire sur ma destinée. Cette blessure, d'où je viens? Cette blessure drapée de soie sous son triangle noir, où vont des géomètres de hasard bâtir de rien des chagrins assistés, en y creusant parfois pour le péché. Cette blessure, cette blessure qu'on voudrait coudre au milieu du désir, comme une couture sur le plaisir, qu'on voudrait voir se fermer à jamais, comme une porte ouverte sur la mort. Cette blessure dont je It was Pascal Obispo with Millésime, Frank Michael with Cet homme-là, c'était mon père, and Vanessa Paradis with Cette blessure. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Vianney avec Le Fils à Papa, Daddy's Son. And it's kind of like an expression for kids and especially boys that are well-to-do and that their parents are kind of spoiling. Then we're going to listen to Mozart, l'opéra rock, avec J'accuse mon père, I accuse my father, and Patachou with the song called Papa, Maman. Ils disent j'ai de la chance, et je déteste ça. Je connais mon enfance, et je déteste moi. Car on n'est jamais trop riche, et puis toujours trop pauvre. Et les autres on s'en fiche, jusqu'à ceux qui nous sauvent. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme un fils à papa, non. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Yeah. tard. Et je voudrais qu'elle vienne dans mes draps, dans le noir, et fasse bomber mes veines contre un petit sein blanc. Comment suis-je capable, comme un gâté d'enfant, de verser une larme? À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme mon fils papa, non. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Sur des accords mineurs, et moi, moi comme un con, je le fais de bon cœur. J'oublie que fut un temps soit peu d'amour, m'avait donné l'élan de savourer les jours. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi, comme un fils à papa, non. À l'aide à moi, on m'a pas fait comme ça, non. À l'aide à moi. Alors que l'on s'enferme. Tourne la tête.

cheveux gris. Voilà, tu la connais l'histoire. C'est l'histoire de mon père. Et dans son âme, il le sait, il finira ses jours à mes côtés. Mon père à moi, mon père à moi, mon père à moi. Je ne connais pas. Thank you.